que Dieu nous aide. Voilà maintenant ici. Le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à l'église. Ceux qui étaient sauvés. Conformément à la plus grande mission qu'il a donnée à l'église. C'est d'amener les âmes à Christ. C'est le conduire au corps de Christ. C'est le mettre là-bas. Bien aimé. Je reviens à la citation. Que nous lisions ici. Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église. Car l'église marchait diligemment. Selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Elle mettait en pratique tous ses commandements. Quand Dieu dit, vous devez naître de nouveau. Donc vous vous remplacez la nouvelle naissance par une poignée de main au pasteur. Et d'autres vont, ils changent. Nouvelle naissance, mais c'est le baptême d'eau. Au baptême de maïs. En train de tout changer. Mais ce n'est pas juste. Revenez à l'original. La nouvelle naissance, c'est naître de la vérité et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas une poignée de main. Ce n'est pas l'adhésion à l'église. Toutes ces fausses théories sont déjà disqualifiées. Si quelqu'un continue à les écouter, il ne s'aime pas lui-même. Que le Seigneur nous aide. Voilà. L'église mettait en pratique tous les commandements de Dieu. C'est ce que je voudrais que nous fassions. Car Dieu n'a pas besoin de demi-église. Que notre église soit une église à part entière. Et que s'il y a un témoignage parmi nous du baptême du Saint-Esprit, que ce soit un authentique et véritable. Conforme au monde. Apostolique. Non pas de fabrication locale. Une sœur est allée dire à une autre sœur une fois. Après pasteur David, Ngaïne. Les loboyés, à l'ongue église awa, à comment mettre les gammes. Mais afin d'y avoir mais il n'y a pas l'église wana. Pasteur, donc après, pasteur à un niveau spirituel, jusqu'à prier. Et d'ailleurs, pasteur est moi bien. Miséricorde. Passi na passi. Les mangungu, comme on dit, hein. Ala mangungu monokoyo monokoyo ça risque bien son gamme sous monoko compliqué monoko. Regardez Otala, soyons humbles. Fais à la base comme qui tisse, ne te vante pas toi-même. Comme vit mais ça n'a nul mon côté. Laisse Dieu t'honorer. Si comme bel exemple mon côté pêche le qu'il répande le parfum de ta bonne réputation Ota auprès de ses enfants lui-même. Amen. De bel mon convambe a palangani sa penza. Mananasi ya lokumu na yo epai na bana ye moko. Et Dieu était avec l'église au commencement. Mais écoutez, finalement, malheureusement, mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Est-ce que vous pouvez confirmer le même constat? Tel que nous sommes là. Sommes-nous vraiment très forts? Sommes-nous arrivés au sommet? Il y a encore des choses qui nous manquent. Beaucoup. Et nous devons savoir qu'il en est ici pour aller réclamer auprès du Père. Mais si nous commençons à enfler comme ça. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. La Odyssée. Ne finissez pas. L'arrogance ne vient pas de Dieu. L'humilité compte pour beaucoup. Heureux ceux qui sont simples. Les débonnaires, ils hériteront la terre. Vous voulez hériter? Soyez simple. Faites vos simples hérités. Mais l'Église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Revenons à Actes chapitre 24. Pour la cause de l'Évangile, alors que Paul était dans l'ordre de la grande commission que le Seigneur avait laissée, il a été humilié. On l'a arrêté pour l'évangile, pour le message de l'heure, pour l'humilier publiquement. Voilà. On l'amène auprès du souverain sacrificateur. Alors qu'on voulait d'abord le juger d'après la loi des païens, ils se sont restés pour dire que ce sont des affaires religieuses. Allons auprès du Sanhédrin et demandons au souverain sacrificateur de trancher cette affaire. Oh, le souverain sacrificateur était quelqu'un qui était opposé à Jésus-Christ. Que pouvez-vous attendre du jugement que peut rendre un souverain sacrificateur, quelqu'un qui s'oppose à votre maître? Quel miracle peut-il faire? Rien du tout. Mais Dieu est notre défenseur. Même face aux accusations les plus cruelles, les plus insolentes. Tenez-vous tranquille, Dieu sait comment défendre ses disciples. Ne craignez pas le problème. Car le Seigneur Jésus, votre modèle, est passé par là. Il a été déshabillé en public. Et toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Ne craignez pas le problème. Arrivant les souverains sacrificateurs, Ananias, avec les anciens et un orateur nommé Tertulle, un orateur, quelqu'un qui maîtrisait la manipulation de la langue. Orateur. Un conférencier. Maître de conférence. Qui a la maîtrise du public, la maîtrise de l'auditoire, la maîtrise de la langue. Et lui, il s'appelait Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul, le gouverneur Félix. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Babiangi Paul, pe Tertulle abandonne kufunda ye été. Et vous sentirez la verve oratoire de Tertulle. Bokomo na maloba munoko ya mutongo soka fungoli maloba ninga sa kobima. Les mots bien placés, pas de faute d'orthographe ou quoi. Et même de gros mots qui feraient trembler un illettré. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes saints prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Eh, Félix, motona lokumu mingi. Tozali ko sepela na kimi mingi pona yo. Misala malamu mpenza pe mizali nde kosala makati na libota oyo pona mayele na yo. Voyez que les auditoires entre moto azo lobaka boye na un David qui balibisi et qui se mousse à la chair. Vous pensez que David est un prédicateur? Je ne suis même pas un prédicateur. Regardez, t'as mouton boye. T'as mouton boye. Il lâche les mots. Oh non! Quelle éloquence! Na kolande la malobo oyo na ndamususu ayebi kotia malobo elanda na kitoko. Na moyoki ye moko alobi oui oui oui. Mais pour ne pas te retenir davantage, mais il a déjà parlé trop. Le premier verset où il parle, il a parlé trop, mais il dit, mais pour ne pas te retenir davantage. Mais il parle trop. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Kasi nalingi kosimba yo atango molaite. Bongo na bondeli ete na boboto na yo yo kabiso na mwa makambo mike. S'il vous plaît, toutes ces longues phrases ici, malobanyo so mira yo exactement comme font les politiciens. Et elle bobo na tete. En réalité jusque là, ils n'ont rien dit. Na nyoso maloba mila yo yo kitoko azali kolobana. Na bosolo na loba te lo mokoto. Tu es venu porter plainte. Oya ko funda mutu. Mais loba te la kisi de quoi? Loba te to fundera ni kambo sele. C'est la Félix. Et toi mala ko loba. Tara tara tara tara. Tara lo bo lo ni mala. Eh mala bay bay. Et puis je parle en paix de mots. Et tu n'as pas kolobana maloba mingi te. Non. Ngote. Quel embrouille. Nous avons trouvé cet homme. Tu pouvais commencer comme ça? Mais c'est la banda boy. Mais toutes ces longues phrases du débit servent à quoi? Nous avons trouvé cet homme qui a une peste. Le gouverneur est très excellent. Mais l'homme loin de Dieu, mandaté de Dieu, est une peste. Et qui excite des divisions parmi tout l'Égypte du monde. Et qui est chef de la secte des Nazaréens. La secte des Nazaréens. Vous voyez ça? Il est chef de la secte des Nazaréens. Il est une autorité dans la secte des Nazaréens. Mais il est une peste et provoque des divisions parmi tous les Juifs. Il fait que les uns suivent et les autres refusent et ça met les divisions dans les familles. Et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger. Selon notre loi. Mais le tribunal Lysias est arrivé. Parce que vous l'arraché de nos mains avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même en l'imposant apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue. Mais regardez, il sait parler, il ne fournit aucune preuve, il multiplie les accusations et des insultes graves contre les serviteurs de Dieu. Et puis il dit au gouverneur, tu pourras toi-même apprendre en l'interrogeant ce dont nous l'accusons. Zotande mukumba ya komema, makambo ya kotali sete mbeba ya mutu ofundi, yomoko mutu ofundi, yakana mukumba ya makambo mabe oyo ya saraki otali sango. Kasi, nasima na kolobaka makambo mingi na kofundaka, kolobela kama be musali na nzambe, akomako yobi sa mokonzi amboka ete, yomoko, okoloba makambo tango kotuna ye. Il donne aucune preuve, il déclare. Du verbiage, il parle. Toi-même, tu vas dire. Donc, ce dont nous l'accusons, c'est votre fouillé. Interroge-le seulement. Lui-même va te donner les preuves. un aventurier. Vous voyez, des fois qu'il parlait trop, ce n'est pas avoir raison. Hein? Les orateurs. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, nous avons besoin des hommes envoyés de Dieu. Mais nos églises d'aujourd'hui, au lieu de ça, ils préfèrent des conférenciers. Des orateurs comme Territi. Qui sait bien articuler, La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous demandons au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et Dieu nous exaucera. Voilà un type comme ça, sur qui toute l'équipe des agisateurs avait porté leur confiance. Mais regardez comment il est aventurier. Ils avaient tout le temps pour préparer l'épreuve. Au lieu de venir là raconter des histoires comme quelqu'un qui raconte des choses. Écoutez maintenant. Verset 9. Quand on est envoûté, on voit qu'on fait des choses les plus insensées. Au lieu même de voir que cet orateur est un grand farceur, il a tourné sa langue pour ne rien prouver. Écoutez, les Juifs appuyèrent ces réquisitoires, soutenant que les choses étaient ainsi. Les Juifs, par la haine, parce qu'on n'aimait pas Paul. Il est haïssé. Il est méprisé. Mépriser ou détester quelqu'un est un démon horrible. Faites bien attention, un démon manifeste toujours la haine. Le démon n'a pas d'amour. Il ne manquera pas d'exprimer la haine, de sortir la haine. C'est ça, voilà ce qu'elle fait faire aujourd'hui. Allez appuyer même des bêtises. Quand vous allez vraiment pour se mettre en bloc contre un innocent. Non, ça ne va pas être ça la lutte. Mais Paul va se défendre. C'est Paul qui a commis le bêtise. Prenons le verset 10. Écoutez comment lui aussi a eu la sagesse du Saint-Esprit. Oh, il dit ceci à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Lui fait signe de parler. Paul répondit. Voilà, l'accusateur a fini. Le faux témoin ont appuyé. Paul est seul devant la barre. Paul répondit. Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Mokolo na mokoli, apepi loboko na Paolo eti aloba, mpe azomkisaki monoko eti. Na yobi ete yo ozali mosambisi na libota ol mbula mingi. Bongo na sepeli, ozomkisa monoko na ntina na makamonangai. D'entrée de jeu, Paul va droit au but. Il ne commence pas les tournures flatteuses du farceur, spirituel. Contre cet excellent Félix. Dans ta beauté, toi tu es ceci. Il va droit au but. Il n'y a pas plus de 12 jours. Tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Au Sakani, nous allons Amen. Il a pris la défense. Pendant que le pharisien disait, quand tu vas l'interroger, pendant qu'il va te dire, toi-même tu vas découvrir. Je n'ai jamais vu une bande d'aventuriers. Il va tous en justice. Je vous ai dit, nous chrétiens, nous ne devons pas nous mêler aux aventures de Tintin. Voilà un autre Tintin. Comme il n'y a pas longtemps, il y avait un autre Tintin, Démétrius. Tous ces aventuriers n'ont pas d'avenir, frère. Le seul avenir que je connais, c'est dans l'évangile. Range-toi du côté de la parole et la parole te défendra au bon moment. Voyez? Il dit alors, verset 15, il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mon père. Tu vois bien? Selon la voie qu'ils appellent une secte. Vous voyez, Paul n'a pas retranché le mot nazaréen. Il prend juste le qualificatif injurieux, secte. Mais pour ce qui est d'être nazaréen, il en était un. Il n'en avait pas honte, et ce n'est pas un problème. Et là, il y a un bon côté. Na poyam bo na yo boye eti. Na kosambela kanzambe na bang koko na biso. Na moti do nanzela oyo bazalinde kobianga kopengwa. Et on dit qu'il est le chef de la secte de Nazaréen. Balobe tezali mokonzi. Yelo sambo oyo ya bamonasali. Et Paul dans sa défense. Paul na komilo bela. Il ne se défend pas. Azali komilo bela te. Comme si il n'est pas un Nazaréen. Mais il dit que c'est la voie que eux appellent secte. Moi je n'appelle pas secte. Pour moi c'est l'église du Dieu vivant. C'est la véritable église. Qui est l'antitype de Samson. La voix de Nazaréen. Mais eux, pour minimiser ça, ils lui ont collé un qualificatif injurieux. Et humiliant de secte. Comment pour dire que c'est une minorité d'individus extrémistes. Que nous comprenons qu'ils ont été déformés, qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tout le monde comprend. Alors Paul dit c'est eux qui appellent ça comme ça. Et les mêmes individus qui appelaient l'église de Dieu secte, il y en a jusqu'à présent. Bizambi. Vous connaissez là où ils se réunissent ces gens-là. Qui appellent l'église de Dieu Bizambizambi. Et ils se considèrent eux comme étant les grandes églises. Vous le savez, non? Amen. Ce que nous appelons nous autres des sectes. Comme on avait traité Paul des secteurs dans son temps. Ce sont les catholiques et les protestants. Ils nous considèrent nous autres comme des sectes. C'est le même esprit qu'avait Père Dieu. Il ne saurait pas prouver ce dont il nous accuse. Mais je n'ai pas honte de l'évangile. Nous n'ayons pas honte de l'évangile. Soyons certains de notre cadre. Nous ne sommes pas dans une secte. Nous sommes appelés par le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Tu jugeras les vivants et les morts. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il s'appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Nous aussi, non? Vous savez pas, Bongo. Nous croyons tout ce qui est écrit dans la parole. Tout ce que les prophètes ont dit. Nous et moi, nous y croyons. C'est pour ça qu'on nous appellera secte. Hein? Nous ne sommes pas les premiers. Nos prédécesseurs, les apôtres du Seigneur, ont marché sur cette voie. Même si nous sommes en chemin réclamant encore des choses. Au moins nous sommes sur la bonne voie. Pour commencer, il fallait ça d'abord. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Sur ce point-là, nous croyons la même chose que. Il ne saurait pas maquiller. Parce que s'il maquille, c'est qu'il s'acquise eux-mêmes. Ok. C'est pourquoi, à cause de cela, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Na kotaka motema na ngai na likambo o ete na tangu nyoso na vala na lisosoni na sambo na ntina na nzambo pe na ntina na batu. Pourquoi? Pona nini? Une telle disposition. Nalenga ya kofala bongo. Il croyait qu'un jour il y aura la résurrection des justes et des injustes. Pate abanda kondimete mkolo moko. La résurrection générale. Et il croyait à tout ce qui est écrit dans le commandement du Seigneur. Il croyait à tout ce que les prophètes ont dit. Parce que c'était vrai pour lui. Alors il s'efforçait constamment. Sans négligence, sans relâche, il s'efforçait à tout moment d'avoir une conscience irréprochable. Non seulement devant Dieu, et même devant les hommes. Y a-t-il des hommes comme ça parmi nous? Qui croient tout ce qui est écrit dans la parole? Prêt à pratiquer tout le commandement du Seigneur? Ils croient tout ce que les prophètes ont dit, ceux du temps de la Bible et celui du temps de la fin? Amen. Et qui croient qu'il y aura une résurrection de justes? Et les injustes. Si vous êtes là, voilà un exemple encore. Efforcez-vous. Faites tous vos efforts. Pour avoir une conscience irréprochable. Devant Dieu et devant les hommes. Même si les tentations viennent. Même si les sollicitations viennent. Résistez s'il vous plaît. Ne commettez pas l'erreur de Samson. Samson était né comme doit naître l'église. Samson, c'était la naissance naturelle nazirienne. Dans le naturel. Et il avait pour seul signe de Nazréa sa longue chevelure. Mais l'église du Seigneur, l'église de Dieu, elle naît d'une naissance nazréenne en esprit. Et elle a pour signe de Nazréa la longue chevelure de fille de Dieu et la colonne de feu surnaturelle. Vous avez les deux en permanence. Côté naturel, le voile c'est la chevelure. Et les femmes gardent les longs cheveux. Les hommes doivent couper les leurs. Et même les âgés. Mais par-dessus cela, il y a la colonne de feu. Le Saint-Esprit doit trouver place dans chacun. Il doit remplir ce croyant. Il doit remplir le frère. Remplir les soeurs. Remplir toute l'église. Amen. Pour que Dieu nous utilise comme il a utilisé l'église de début. Je vais lire ici dans le serment, être persévérant. Et si tu pas bien posé, revenons à l'obligation de la ténacité. Nous devons être ténaces à la matière. Ces choses que nous prêchons, vous devez tenir fermement. En expérimenter tous les aspects. Réclamons au Seigneur ce qui manque. Et Dieu qui répond. Es-tu fier de le connaître? Être persévérant. Sermon prêché par Frère Brenham. Être persévérant. Du 19 juin 1964. Être persévérant. Et là, il nous rappelle l'obligation d'être ténace. Paragraphe 64 à 66. Il est prêt à recevoir. C'est la polyvitamine. Polyvitamine pour toi, Église. Très riche. Nous voyons que cet homme de Samson était un Nazaréen. L'église aussi, n'est-ce pas? Il est né dans le spirituel d'une naissance nazaréenne. Samson, il avait 7 petites trèches qui lui pendaient dans les dos. Et lorsque l'Esprit du Seigneur venait sur lui, il n'avait peur de rien. Je veux que l'Église atteigne ce niveau. Amen. Vous n'avez peur de rien. De rien veut dire de rien. N'ayez peur de rien. À cause du Saint-Esprit. Amen. N'ayez peur de rien à cause de votre nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pour faire que l'esprit. Il faut être de l'esprit. Et Dieu est le plus grand esprit. Aucun esprit ne peut vaincre. Et Dieu est son père de lumière. Il nous a engendré. Par sa volonté. Il nous a engendrés pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures, les exemples dont il sera fier, ceux dont il peut rendre témoignage comme pour Job. Et voilà les miens sont là. Éloignez de toi-même devant le diable. Voilà pourquoi tu voudrais avoir une conscience irréprochable devant Dieu. Pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes. De sorte que quand Dieu témoignera de toi devant les hommes, que le témoigner de Dieu ne que les hommes soient confus. Ils reconnaissent que Dieu a raison. Que cet homme dont il parle, effectivement irréprochable. Nous les reconnaissons. Bien aimé et force-nous d'avoir cette conscience irréprochable. Devant Dieu d'abord et devant les hommes. De sorte que Dieu soit fier de nous. il veut être fier de ses premiers-nés. Les premiers fruits de son acte rédemptoire. Vous voyez, les premiers fruits de cela. Les premiers résultats. Et c'est dans le message qu'on les trouve. Dès que nous sommes infiltrés, beaucoup de ramassis de gens. Les faux croyants sont vrais. Mais Dieu possède une minorité. Efforce-toi, frère. Efforce-toi, église. Efforce-toi, ma soeur. Efforce-toi, bien-aimé. Avoir une conscience irréprochable. Devant chaque parole, nous soyons en ordre. En harmonie. Bien aligné. Écoutez pour Samson. Cet homme de Samson était un Israélien. Il avait cette petite crèche qui pendait dans le dos. Et lorsque l'Esprit du Seigneur venait sur lui, il n'avait plus de rien. Pourquoi? Il était ténace. Tant qu'il pouvait sentir. Sauveur de Nazaréens était sur lui. Il tâte. C'est en place. Le symbole de ma victoire. Le symbole de ma supériorité. Les batailles. C'est la puissance du Nazaréen. Gloire à mon Dieu. Il n'avait peur de rien. Toi aussi, église n'a peur de rien. Et tant qu'il pouvait toucher la derrière et sentir cette tresse, il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Et rien ne pouvait le lier. Vous voyez même quand il a été livré aux Philistins. On l'avait lié, non? Ils l'ont arrêté, ils l'ont lié. Et on l'a livré là-bas. Mais quand l'Esprit de Dieu vint sur lui, toutes les grosses cordes qu'il avait ligotées, la Bible dit qu'elle s'est découpée comme des feuilles sèches. Et pas qui voyez que quand nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui se produisent automatiquement. Amen. Quand on n'a pas prié Dieu, c'est son père lien. Mais il a tapé. C'est un signe, est-il là ou non? Je vaincrai. Le Dieu de Samson est notre Dieu encore. C'est lui qui nous a engendrés. Pour faire de nous les prémices. De sorte que quand les prémices sont bénies, la masse est aussi bénie. Si ma chair est bénie, le Dieu est béni. Rien ne pouvait les lier. La ville ne pouvait pas les lier. Un lion ne pouvait pas les tuer. Il a pris la mâchoire d'une mule qui était desséchée. Mais ce soir, depuis que je glisse toujours. Non, non, et il a perraché 1000 Philistins. Savez-vous que ce casque, ce vieux casque de rein, avait plus d'un pouce, 2,5 cm. On l'a entendu mercredi. Savez-vous ce qui serait arrivé si un vieil os desséché du désert heurtait ça? Bien, ça aurait volé en 1 million d'éclats. Mais il s'est tenu là. Tout seul. Avec cette mâchoire de mille. Et Et il en a tué 1000. Pourquoi? Il était ténace. Voyez ce qui te manque. Quand tu commences à avoir la peur. Tu sais dans la peur, tu crains de subir les humiliations. N'aie pas peur. Sois ténace. J'ai parlé au début du principe divin. Là où nous sommes assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas une promesse, mais un principe. Si c'est une promesse, on l'attend. Mais quand c'est un principe, ça va de soi. Il y a de l'automatisme différent. Veille sur sa parole. Il va falloir qu'aucune parole ne peut faillir. Pourquoi Samson a eu autant d'exploits? Le Seigneur a dit qu'il faut toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Yo. La femme syrophénicienne était ténace. Moi, si on a, si la femme azalati mbamba. Jairus était ténace. Jairus mbamba. La femme à la peur de descendre était ténace. Moi, si on a donné votre nom, il est mbamba. Samson était ténace. Samson mbamba. Maintenant, mets ton nom. Mets ton nom. Bilemba. Bilemba. Un fouillard. Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Il doit choisir ce que tu veux. Il était ténace. Chaque fois qu'il frappait, il sentait sauver de Nazaréa revenir sur lui. Samson a suivi beaucoup de choses. Même au Kakana Kikino, yo motolinga de Bouya dit par fabrication locale. Oh comme un peu moins, moi na moninga mawate. Monguna Satan, a mekeli o bete yen kwa babeta yon. Amen. Bete yan de zonte. Po alapa, azonga le sou no kiti. Amen. Vous aimez ça? Amen. Donner à l'ennemi une frappe réglementaire. Et et même une frappe désordonnée. À sentir que résistance n'est pas une et fonctionnelle. Amen. Aux alakas naïveté. Aux alakas malléabilité. Amen. Et une position à défendre. Et n'ayez peur de rien. Quand il faut répliquer, réplique. Avec autorité collective. C'est vrai. Chaque fois qu'il frappait, Il sentait sauvé de Nazaréa revenir sur lui. Encore plus forte présence. L'église qui déclare être née de l'Esprit de Dieu. Être tenace. Vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Mais c'est typiquement comme Samson. Lui dans le naturel, toi dans le spirituel. Lui né de la chair, toi né de l'Esprit. Ah, tu es mieux positionné que Samson. Mieux positionné. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. La Bible l'a dit. Que ceci soit révélé à ton cœur. Jean chapitre 3. Oh, c'est absolument vrai. Jean chapitre 3. Ce qui est né de la chair est chair. C'est ainsi que Samson se retrouvait avoir donné son cœur à la femme, avoir donné son corps à Dieu. Et il a trahi un jour. Il a vanné son secret. Et il s'est affaibli. L'église aussi s'est affaiblie. Mais Dieu a promis la restauration. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Ok. Et vous savez ce que le Seigneur dit encore dans les Corinthiens chapitre 6 ici. Toujours vérité sur vérité. Au verset 17. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si toi tu développes la peur, c'est que Dieu a peur. Ce qui est c'est que l'Esprit de Dieu peut avoir peur aussi. Et qu'il peut reculer devant les menaces, devant les ennemis. Jamais. C'est l'Esprit du Tout-Puissant. Ici, c'est Frère Branham qui parlait. À combien plus forte raison ce soir, l'Église qui déclare être née de l'Esprit de Dieu, devrait-elle être tenace? Comment pouvez-vous vous tenir dans les réunions et voir la confirmation de Jésus-Christ et prétendre être rempli du Saint-Esprit et pouvoir vous tenir tranquille et laisser Satan vous pousser ça et là? Mais tu es avec le Seigneur et c'est l'Esprit. Et sa résurrection est évidente. Et vous laissez Satan vous tirer. C'est faux. Voilà qui est étrange. Tant que vous pouvez sentir la présence du Saint-Esprit et savoir que c'est sa parole et sa promesse pour ce jour, vous devrez être tenace pour vous enfoncer, entrer jusqu'à ce que ce soit terminé. Persévérant. Accrochez-vous-y. Dieu l'a promis. Ce n'est pas vous. C'est Dieu. Ah, nous aimons. Ça, nous aimons. Nous aimons tellement ça. Une église séduite par le monde. Je reviens là. Du 28 juin 1959, paragraphe 81, première partie. Oh Dieu, avant que n'arrive la fin des temps, envoie-nous une autre église qui pourra recevoir la puissance du Saint-Esprit avec la démonstration de l'Esprit et que Marc 16 pourra accompagner. Amen. Il fait tout ce qu'il fait du Saint-Esprit. Amen. 4:38. Vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Et tout cela pourra accompagner constamment. Amen. Dieu te vous amène dans cette prière. Amen. Amen. C'est ma petite conclusion pour les sermons de ce soir. Je répète. Oh Dieu. Avant qu'elle arrive la fin des temps, envoie-nous une autre église qui pourra recevoir la puissance du Saint-Esprit avec la démonstration de l'Esprit. Et que Marc 16 accompagne. Acte 2, verset 4. Et Acte 2, verset 38. Que le Seigneur la pourra accompagner constamment. Les miracles, les prodiges. Accompagner les apôtres. Les grands signes de sa résurrection. Les accompagner. Prions que Dieu nous envoie une autre église. Il change la nôtre. Moi je suis sincère. Qu'il change la nôtre. Qu'il en fasse une autre église. Amen. Que Oyo, église où Yébani, Namouaba, Defona, Gosuki Bambebani, Nwana, Zamba changer. Amen. Après ça, sur l'église Moussous. Oyo ya conforme na modèle apostolique wana. Oyo bilaka oyo totani. Marc 16. Acte 2 verset 4. Acte 2 38. Amen. Accompagneront constamment. Amen. Chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Tenons-nous debout pour la prière. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous sommes marqués par le sang. Oh, oh, répandez à la croix pour les péchés. Nous les appartenons. Nous sommes le peuple du Dieu vivant, nous faisons marquer par le sang. Ah, ah, répandez à la croix pour les péchés, nous les appartenons. Nous portons le nom de Jésus, le Christ. C'est nous qui fait trembler. Toute la présence de l'Antéchrist. Et sauve nos péchés. Nous portons le nom de Jésus, le Christ. C'est nous qui fait trembler. Toute la puissance de l'Antéchrist. Toute la puissance de l'Antéchrist, que sauver le péché. Nous marchons au nom de puissance, que celui qui sauver le péché. Le tout puissant marche au milieu. Et nous sommes les Nous marchons au nom du puissant. Jésus-Christ. Les tout puissants marche au milieu de nous. Nous sommes plus que nous. Plus des tempêtes, nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur le roquette. Nous restons. Amen. Tempête, plus de tempête, ça va t'essayer. Et nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur la roquette. Amen. À la rencontre, à la rencontre de Jésus le tout. Oh oui, et pour le premier. Et bientôt, nous souhaitons nos pères en lui. Bénévé, tous les gens en lui. À la rencontre, à la rencontre de Jésus le tout. Nous avons chanté ce que nous croyons. Et ceci devient l'expérience de chacun. Alors parlons à notre Dieu maintenant. Prions chacun. Écoute ma voix. Quand on sent que tu réponds, Seigneur, ne m'oublie pas. Adosso va, ça va, Jésus, ça. Oh mon Dieu, écoute ma voix. Écoute ma voix quand on sent que tu réponds. Oh Seigneur, ne m'oublie pas. Adore Jésus, Seigneur Christ, Seigneur Jésus, écoute. My humble cry. Entends mon humble cri, Seigneur. Sans que tu réponds. Oh Seigneur, ne m'oublie pas. Dieu bien-aimé, Dieu de grâce. Devant le miroir de ta parole, nous sommes fautifs. Aucune justification à fournir. Devant toi, le juge parfait, qui connaît où était ton église primitive, dans quel état elle était, Seigneur, et qui connaît comment nous avons sombré. Nous sommes devenus méconnaissables. Des fois l'évangile est prêché, mais c'est à peine si on peut y croire. Parfois même pour dire amen à la vérité, il faut qu'on nous fasse. Quelle régression. Mais pendant que nous paraissons en prison, lorsqu'une nouvelle chevelure pousse, que son âge soit restauré. Donne-nous une autre église, Seigneur. Charge celle-ci. De fond en comble. Charge la nôtre ici, Seigneur. Nous en avons honte. Devant l'évangile écrit, nous avons été déshabillés ce soir. Personne ne peut bomber les os. Nous sommes coupables, Seigneur. Et t'appelons sur la chaîne. Moi qui ne te lâche pas de pardonner. Moi qui ne te lâche pas de nous supporter. Seigneur, tu as frayé le chemin. Tu as tranché la voix. Aie pitié de nous. Seigneur, donne la force à l'église. Elle s'est affaiblie. Terriblement affaiblie. Elle a besoin de ta force. Que nos cœurs se donnent à toi. Que le formalisme prenne fin. Que la pratique de la parole soit notre priorité. Et la dernière grande commission que tu as fait, la demande que c'est Quelle soit notre préoccupation que pour nous porter ce fardeau à chacun. Porte la complaisance. Porte la somnolence. Porte l'assoupissement spirituel. Brise tous les liens. Comme tu avais brisé les liens qui liaient Samson. Coupe tous les liens qui liaient l'église. Quand on péchait. Soit aux choses du monde, soit aux distractions, aux chaînes de télévision, aux programmes non censurés, aux pornographies, aux histoires d'internet et les perversions des réseaux sociaux. Ôtez ces saletés de notre environnement. Nous voulons le vrai Nazirea, la vraie sanctification, la vraie consécration, pour avoir une conscience irréprochable. Devant toi notre Dieu et devant tous les humains. Aide-nous ces croyants dont tu seras fier, comme était Job à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, exauce toutes les prières et apporte-nous ton soutien. Jusqu'à tout vaincre. Pour sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Nous arrivons à la dernière étape. Par la grâce de Dieu.